Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai envie de tout foutre en l'air, qu'aujourd'hui je ne suis pas fier, j'ai toujours des idées grises. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je regrette toutes mes conneries, je sais bien que tout est fini et que ta décision est prise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sans toi la vie c'est l'enfer, quand moi ça tourne à l'envers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis vraiment un con, ça me servira de leçon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que pour nous tout est foutu. Puisque tu ne reviendras plus. Que tu veux que je te dise? Que je te vois dans ma voiture, j'entends encore tes murmures, tes mots d'amour me détruisent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je me réveille toutes les nuits, mais que tu n'es plus dans mon lit, j'ai le cœur froid comme la banquise. J'ai prié dans les églises, où j'attendais que tu me pardonnes, mais c'est juré j'abandonne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que je fasse une croix sur toi, j'oublierai, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise?